premier temps d'une semaine spéciale de la Fabrique de l'Histoire à l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et en partenariat avec le hors-série du journal Le Monde titré 1945, un monde éclaté sort de la guerre. Toute la semaine, et exceptionnellement en 5 volets, nous vous parlerons du monde qui sort justement de la Seconde Guerre mondiale. Demain, avec un documentaire de Catherine Decopé et Anne Fleury à propos des camps soviétiques en France. Mercredi, c'est à propos des poches de l'Atlantique. Jeudi, nous parlerons du retour à la vie normale des résistants. Et vendredi, nous nous interrogerons sur le type d'État social sorti en 1945 de ce conflit en France. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons l'immense plaisir de recevoir Beate et Serge Klarsfeld pour les mémoires qu'ils viennent de publier en commun chez Fayard Flammarion, des mémoires qui nous racontent pas seulement la seconde moitié du XXe siècle et les poursuites des criminels nazis et de leurs collaborateurs français de Vichy, mais également une véritable traversée du XXe siècle qui nous conduit de Bessarabie à Paris, en passant par Berlin, Bonn, La Paz, Damas, Tel Aviv, Prague, Varsovie, Cologne, Buenos Aires et bien d'autres capitales mondiales. Bonjour Serge Klarsfeld. Bonjour. Et bonjour à vous, Beate Klarsfeld. Hier, nous apprenions que Madame Merkel, chancelière allemande, s'était rendue à Dachau, pour dire, entre autres, que les Allemands n'oublieraient jamais la barbarie nazie. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette déclaration, Beate Klarsfeld? Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Bien entendu qu'une chancelière, c'est la première fois, participe à la commémoration à Dachau. Et puis, je dis, c'est quelque chose de... Moi, en tant qu'Allemande, fait beaucoup de plaisir. Et parce que, vous savez, il y a 50, 60 ans... Tous ceux qui ont sorti des camps de Dachau, les résistants, vous savez, n'étaient pas bien vus en Allemagne pour obtenir des pensions. Un exemple pour moi, c'est Johannes und Sophie Scholl, ces étudiants qui ont confronté le nazisme et puis ont été décapités avec la hache, avec les professeurs. Donc, il n'y avait jamais beaucoup d'honneur. Donc, ça a changé beaucoup maintenant en Allemagne. Et puis, d'ailleurs, je dis... Le camp de Dachau, ça me rappelle, il y a 74, justement parce que nous n'avons pas obtenu que l'Allemagne, à l'époque, fasse l'histoire et juge les criminels nazis allemands qui avaient agi en France, Kotlischka, Herbert Hagen et Hein Henderson, qui étaient après condamnés en Cologne, grâce à Serge et moi et nos amis des fils et filles, eh bien, pour pousser la justice allemande d'ouvrir le procès, eh bien, avec deux anciens déportés, nous sommes allés à l'intérieur du camp de Dachau, les deux avaient leur uniforme du camp. Et moi, contre moi, il y avait un mandat d'arrêt pour avoir tentative d'enlèvement de Lichka. Et dans le camp même, nous avons annoncé à la presse, nous sommes là pour demander à la justice allemande de faire le procès. On était tous arrêtés, oui. Ça a changé beaucoup. Aujourd'hui, madame Merkel. C'était en 1974, ça. Voilà. Il y a beaucoup de chemin parcouru, Serge Klarsfeld, à propos de cette question en Allemagne, mais aussi en France, parce que votre travail commun mené avec votre femme Beate, ça a été justement de faire à la fois reconnaître à la France, à l'Allemagne et peut-être au monde entier, ce qui s'était déroulé pendant cette Seconde Guerre mondiale. Eh bien, en Allemagne, c'était effectivement de faire en sorte que les Allemands comprennent l'immensité du crime. Et je pense que l'évolution, elle est très sensible et que beaucoup d'anciens déportés n'auraient jamais pensé, en sortant des camps, que l'Allemagne serait une grande démocratie qui n'oublierait jamais les crimes du nazisme. Et en France, au sortir des camps, le rôle de Vichy n'était, comme complice des nazis, n'était absolument pas mis en lumière ou d'une façon superficielle dans les procès Pétain ou Laval. Et ce n'est pas resté dans la mémoire des Français. Donc 30 ans après... Quand on s'est engagé, eh bien, on a remarqué que les Français avaient oublié que le régime de Vichy s'était associé aux Allemands dans la persécution et en particulier dans les arrestations des Juifs pour les livrer aux Allemands. Alors, ce qui est formidable dans votre travail en commun, je ne sais pas d'ailleurs comment vous avez travaillé, un chapitre l'un, un chapitre l'autre, comment vous avez envisagé ce tissage, pourrait-on dire, de votre travail de mémoire. En tout cas, c'est de faire ressurgir non seulement vos combats, qui ont été nombreux, mais également également des personnages que l'on trouve, que l'on croise comme cela sur au détour d'une phrase que vous avez vous-même croisé. Alors il peut s'agir de Régis Debray en Bolivie, il peut s'agir d'autres personnages moins connus, un résistant français dont le nom parle hall de la Maison de la Radio où vous avez commencé à travailler d'ailleurs en 1963 je crois, Serge Klarsfeld, André Rondenay qui a été la victime d'un des nazis que vous avez poursuivi bien plus tard. Et oui, nous avons poursuivi les nazis pour les crimes qu'ils avaient commis en France dans la question juive. C'était le dossier qui a été finalement retenu par la justice allemande. Mais ils avaient commis d'autres crimes, et en particulier Ernst Heinrichson, qui était un jeune SS qui était adjoint au chef du service des affaires juives de la Gestapo à Paris. Eh bien, Ernst Heinrichson, en 44, a sorti André Rondenay et quelques camarades d'André Rondenay et les a abattus alors qu'ils allaient être déportés. Il les a abattus dans la banlieue parisienne et la France le recherchait pour cela. Or, il était avocat, notaire, bourgmestre de sa ville, aimé de ses concitoyens, et il s'était refait une virginité. Le jour où, avec un ancien déporté qu'il avait connu à Drancy, je suis allé le chercher parce que dans le registre des avocats, on avait trouvé son nom avec son prénom, eh bien, quand on s'est trouvé face à face avec lui, on était sûr que c'était bien Ernst Heinrichson, parce que ce qu'on a trouvé dans sa voiture, c'était le guide Michelin Allemagne. Et donc, on a pensé que ce qu'il avait retenu de la France, c'était pas André Rondenay, mais c'était la gastronomie française. Et il s'est mis à tourner dans sa ville et à courir au commissariat pour se réfugier au commissariat. C'est d'ailleurs le plus étonnant de ce que vous racontez, presque. Enfin, on va pouvoir aussi raconter l'immense trac que vous avez mené dans tous les pays, à la fois contre l'antisémitisme, contre les survivants nazis justement qui avaient commis tous ces crimes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est extraordinaire, ce que vous racontez, Beate Klarsfeld, dans ses mémoires, c'est combien ils étaient facilement repérables, ils ne se cachaient pas pour la plupart d'entre eux. On a retenu souvent ceux qui avaient changé de nom et qui étaient partis en Amérique latine, mais pour ceux qui continuaient à vivre dans votre Allemagne, eh bien, ils étaient tout à fait repérables et on pouvait même les contacter par l'annuaire téléphonique. Oui, mais ils étaient dans tous les trois exemples qu'on avait pour le procès de Cologne. C'était Heinrichson, donc maire, les autres étaient hommes d'affaires. Il y en avait qui étaient rédacteurs en chef des journaux juridiques, sénatspräsidenten, ceux qui étaient en Belgique, non, ils vivaient tranquillement. Sauf que ceux qui étaient en France ne pouvaient pas être jugés à cause d'un traité entre la France et l'Allemagne. Et là aussi, nous avons brisé cette restriction et le procès a eu lieu. Mais à l'extérieur, il y avait très peu. Bon, l'affaire Eichmann était réglée par Israël, par le Mossad. Mais moi, on me traitait déjà de chasseuse de criminels nazis, mais il y avait très peu. Mais je me suis quand même attachée à l'affaire Klaus Barbie. Et puis, si j'avais pas commencé à chasser en Bolivie, Barbie sera jamais venu expulsé vers la France et condamné à vie. Mais la plupart étaient en Allemagne et protégés par la société allemande et qui les trouvaient d'ailleurs, on les a rencontrés. C'était des bons pères de famille. Voilà, qui voulait vivre tranquillement. Nous, c'était des troubleurs. Ce qui est étonnant, Serge Klarsfeld, quand on vous lit, c'est de se demander, c'est une des questions qu'on se pose dans la grande littérature, comment des personnes, entre guillemets, modestes, qui ont commencé pour vous à la radio, en travaillant à la radio, pour Beate Klarsfeld, en travaillant à l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, sont devenus ce qu'ils sont devenus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, à un moment ou à un autre, vous a poussé à avoir autant d'imagination? Parce que ce qui est formidable dans la lecture de vos mémoires, c'est l'imagination que vous mettez en œuvre pour pouvoir parvenir à vos fins et traquer justement soit ces criminels nazis, soit ces collaborateurs français des nazis. Serge Klarsfeld, bon, il faut photocopier, il faut aller au CGJC qui à l'époque rassemble une grande documentation autour de ce qui s'est passé en Allemagne, en France pendant la guerre. Il faut repérer dans les annuaires téléphoniques les noms de ceux qui sont encore vivants, et puis il faut commencer à aller les voir, à les intimider, à leur faire peur, etc., etc., Serge Klarsfeld. L'imagination vient de la culture, et la culture vient du latin, du grec. Voilà. Je vois que vous faites référence à des... C'est pas étonnant, je le dis, parce que bon, il y a un débat. Je suis pas partie prenante au débat, mais en tout cas, c'est vrai que former un esprit libre, qui est raisonnable, un esprit critique, bah, ça permet, quand on se retrouve dans une situation inhabituelle, bah, de construire des stratégies, un système qui vous permet de survivre, de combattre, et gagner, c'est une question de chance, hein, mais. En tout cas, et puis Béate dans l'action, elle improvise et elle improvise très très bien. Donc nous deux, surtout elle en tant qu'Allemande en Allemagne, parce que ses premières campagnes ont été une campagne en tant qu'Allemande, et moi les criminels nazis, c'était aussi ma campagne, puisque c'est ceux qui avaient déporté les Juifs de France, qui avaient organisé tout le système de persécution des Juifs en France. Donc, et puis la cause était tellement forte que, bon, ça vous transporte. Hein, c'est comme les soldats qui arrivent à vaincre la peur et à faire des actions héroïques dont ils se sentaient tout à fait incapables. Oui, Béate Klarsfeld, à certains moments, vous dites d'ailleurs que vous avez eu peur dans certaines de ces tentatives, à certains endroits où vous vous retrouviez un peu seul, en ayant quitté Serge et votre fils Arnaud, laissé en France, pendant que vous alliez, qui en Pologne pour dénoncer l'antisémitisme du régime polonais, qui en Tchécoslovaquie, inventant ce qu'on appelle aujourd'hui des registres d'action quand on réfléchit au mouvement, à la façon dont on fait des mouvements sociaux par exemple, vous attachant avec une chaîne à un arbre, en protestant en Pologne, à Varsovie, contre l'antisémitisme des Polonais, etc. Quelle était cette imagination que vous mettiez à l'œuvre pour pouvoir justement parvenir à vos fins, Béate Klarsfeld? Ben, il fallait d'abord trouver toujours des possibilités, d'ailleurs justement pour manifester dans les pays en Pologne et en Tchécoslovaquie contre l'antisémitisme, l'antisionisme, il fallait donc être, je le dis déjà, je le fais en tant qu'Allemande. Et puis et vous donc, le disiez, je le fais en tant qu'antifasciste, antifasciste aussi. Antifasciste aussi, voilà. Bien entendu, mais enfin en tant qu'Allemande. Ouais. Et d'ailleurs, je dis, si je suis aujourd'hui connue en Allemagne comme la bonne Allemande qui... chez tout le monde, qui a quand même changé l'histoire en Allemagne, et c'était quand même la gifle en Allemagne. Ouais, parce que la gifle contre... Chose. C'était entrer dans l'histoire d'Allemagne, et puis même si vous ouvrez les livres d'histoire des jeunes en Allemagne, vous avez Béate Klarsfeld qui a giflé Kissinger. Donc c'était quelque chose qui est resté, parce que c'était un acte symbolique, mais historique aussi, donc vous voyez. Et puis, mais ça, justement... La peur, même quand j'ai giflé Kissinger, je savais quand même s'il y avait un danger pour moi. Et heureusement que la tribune là, qui était tellement large que j'ai pu passer de derrière, c'est-à-dire au premier rang, étaient des gardes-corps, et moi je passais derrière Kissinger, donc ils ne pouvaient pas tirer parce qu'ils auraient tiré sur Kissinger. Donc, mais la peur vient en principe jamais tellement en avance, parce que vous êtes obligé de savoir, est-ce que je vais réussir. J'ai dit, la gifle, j'étais une semaine à Berlin, il y avait le congrès des chrétiens démocrates, contesté par la jeunesse allemande, par les alliés aussi à l'époque. Bon, ils ont eu le procès, le congrès avec beaucoup de protestations. Et j'ai essayé toutes les occasions, et les derniers jours, ça a réussi. Mais c'est ce qui est en principe, c'est la tension de réussir, c'est ça, vous voyez. Mm-hmm. Bon, oui, c'est-à-dire voilà. D'éviter... Alors vous oubliez la peur physique. Oui, alors effectivement, cette gifle est restée célèbre contre le chancelier de l'époque dont vous aviez montré, par le travail aussi d'archives de Serge Klarsfeld que vous aviez mené, parce que vous avez fait des études d'histoire, Serge Klarsfeld, et vous avez toujours poursuivi ces études d'histoire dans votre travail quotidien, à la fois en aidant Beate à rechercher des documents dans ses archives du CDJC en France, mais aussi en allant un peu partout dans le monde pour chercher des archives, et puis ensuite dans votre travail d'avocat que vous avez mené ensuite. Donc, dans ce travail donc contre Kissinger, qui était donc le chancelier de l'époque, il y avait une possibilité de faire bouger les lignes. Il y avait aussi cette idée que, en saisissant ce cas-là, qui était le cas suprême, pourrait-on dire, un chancelier allemand de l'Allemagne de l'Ouest, qui avait participé donc à la politique de propagande nazie en particulier à l'époque, eh bien, il y avait la possibilité de vraiment faire bouger les lignes et de faire changer la donne historique, pourrait-on dire, Serge Klarsfeld ? Tout à fait. Et, on a encore un petit bout d'archives filmées qui montrent Beate dans la cour de la Sorbonne et elle était en train de faire campagne en disant c'est pas en France que se déroulent les événements historiques, c'est en Allemagne parce que en Allemagne, si Kissinger tombe, Willy Brandt peut devenir chancelier et Willy Brandt est prêt à reconnaître les conséquences de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et ce qui permettrait à la fois la réunification et donc à l'Allemagne de changer la nature même de la guerre froide, etc. Et personne n'écoutait, bien entendu, même Cohn-Bendit, Krivin. Oui, parce qu'on était en plein mai 68. Pour eux, était en France. Et pour nous, il était en Allemagne. Et effectivement, en 69, quand Kissinger a perdu les élections, Willy Brandt est venu au pouvoir. Et au lieu d'un chancelier ex-nazi actif, que, paraît-il, le général de Gaulle a appelé dans l'intimité le Bosch, eh bien, il y a eu Willy Brandt qui s'est agenouillé au ghetto de Varsovie et qui, lui, a reconnu les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Et Beate était à côté de lui à Buchenwald en 70, à Erfurt, à Kassel, aux réunions avec les Allemands de l'Est. Et Beate est allée à Genève a posé les deux drapeaux allemands pour dire que l'Allemagne avait sa place au Conseil de sécurité, pas au Conseil de sécurité, ouais. Aux Nations Unies à l'époque. Et donc, c'est aller avec l'histoire. C'est aller avec l'histoire, ou c'est la précéder d'une certaine façon, parce que ce qu'on comprend, c'est que vous êtes une toute petite poignée au tout départ, vous deux d'abord, vous êtes vous deux déjà, c'est pas mal, Beate Klarsfeld et Serge Klarsfeld, mais il y a aussi quelques personnes qui s'adjoignent à vous au fur et à mesure, selon les moments, selon les coups qu'il faut mener, et vous trouvez des alliés de circonstances qui ne sont pas toujours vos alliés, parce que ce que vous racontez par exemple, c'est que au départ l'Allemagne de l'Est est assez favorable à vos premières initiatives, Beate Klarsfeld, mais évidemment à partir du moment où vous allez aller dans le bloc de l'Est dénoncer l'antisémitisme en Pologne et en Tchécoslovaquie, ça va plus se passer de la même manière. Non, bien entendu. Vous savez, à l'époque, on était seuls, mais enfin, on a trouvé après nos amis, ceux qui avaient perdu les familles dans les déportations. Donc, notre cercle des fils et filles étaient déportés jusqu'en France. Mais d'abord, de toute façon, quand j'ai commencé en Allemagne de l'Ouest, j'étais seule, j'avais personne. Donc, l'Allemagne de l'Est est venue vers nous. D'abord, parce que, bien entendu, l'affaire Kissinger, pour eux, c'était intéressant pour dire que l'Allemagne de l'Ouest est un chancelier nazi. Et puis aussi, ils nous ont ouvert à Serge les archives en Allemagne de l'Est pour faire constater le dossier de Kissinger. Et puis aussi, donc, on avait l'aide pour quelques publications. Et puis aussi, l'aide venait d'Israël. Mais en principe, en Allemagne de l'Ouest, même la communauté juive en Allemagne, où était très, très prudent quand on manifestait en Allemagne pour le procès de Cologne. Vous savez, on était assez isolés. Donc, on prend en principe ceux qui nous soutiennent au moment où c'est pour nous nécessaire. Et puis, je vous dis, quand j'ai protesté dans les pays en Pologne et en Tchécoslovaquie, la frontière nous était fermée. Mais enfin, ça s'est ouvert après parce que j'avais une chance d'un avocat de l'Allemagne de l'Est, Kaul, pour mon procès à Cologne. Mais enfin, il faut trouver des occasions parce que quand on est seul, on n'a pas le choix, vous voyez. Mais on ne se laisse jamais embobiner par quelqu'un. Oui, ça, c'est aussi cet esprit critique dont vous parliez tout à l'heure, Serge Klarsfeld, c'est-à-dire savoir jusqu'où on peut agir sans être manipulé ou en tentant soi-même de manipuler ceux qui veulent vous manipuler d'une certaine façon. Tout à fait. Il faut aussi dans l'action sont un certain tact pour que la violence s'abatte sur vous et que ce ne soit pas nous qui propagions la violence, parce que il fallait remarquer aussi, on l'avait remarqué, l'Europe était une sorte d'oasis de paix dans le monde, donc de projeter de la violence, c'est une violence symbolique, tandis que la véritable violence s'abattait en général sur nous et nos amis, fils et filles de déportés, qui étaient arrêtés. Mais une fois qu'ils étaient arrêtés, eux qui étaient des enfants de déportés ou des déportés eux-mêmes, ça mobilisait l'opinion, parce que les criminels étaient libres et ceux qui s'attaquaient à eux étaient emprisonnés parce qu'ils violaient la légalité allemande. Est-ce que ça n'était pas difficile de ne pas tomber soi-même dans la violence ? Vous le racontez à plusieurs reprises, Serge Klarsfeld, quand vous agressez un criminel nazi et que vous arrivez jusqu'à avec un pistolet sur la tempe, il n'est pas chargé le pistolet, mais vous lui faites peur d'une certaine façon. C'est toujours dans une Europe qui, rappelons-nous, ces années-là, c'est les années de la fraction armée rouge en Allemagne, c'est les années des brigades rouges en Italie, c'est les années qui vont bientôt être celles d'Action directe en France. La question de la violence politique, en tout cas, est facilement mobilisable, pourrait-on dire. Oui. Il y a une violence politique potentielle. Et comment faire justement pour ne pas tomber dans cette violence politique ? Oui, mais on est dans un bras de fer avec la société politique allemande. Pour nous, il s'agit quand même d'une tâche très difficile. Il s'agit de faire voter par le Parlement allemand une loi qui ratifie un accord, une convention judiciaire franco-allemande, et qui permet enfin, après une vingtaine d'années, de juger les criminels nazis qui ont opéré en France. Et il faut ensuite faire appliquer cette loi par la justice allemande. Donc il faut convaincre les dirigeants allemands, il faut les convaincre que s'ils ne font pas ce que nous demandons, eh bien ça se terminera par une tragédie sanglante. On aurait pu, si nous avions été vraiment violents, on aurait pu commencer par liquider physiquement quelques criminels nazis, ceux qu'on a fait juger à Cologne, on aurait pu les liquider, mais c'était pas notre but. Ça aurait été un règlement de compte, alors que nous voulions que les enfants des criminels les jugent, que la société allemande les juge et qu'elle les condamne. D'abord que le Parlement allemand vote cette loi. Beate Klarsfeld, cette question de la violence, une question que vous vous êtes posée aussi à un moment ou à un autre de votre action, puisque même si vous n'étiez pas violente, et cette gifle n'est pas un acte extrêmement violent, pourrait-on dire, contre le chancelier allemand, vous étiez considéré par les médias, par certains médias allemands, comme quelqu'un de violent. C'est-à-dire que vous aviez transgressé volontairement la respectabilité de cette personne donc que vous vouliez voir écartée de la chancellerie. Ben, c'était justement le juge qui m'a condamné le jour de la gifle à un an de prison ferme. Et pourtant, peu de temps avant, Rudi Dutschke, un des leaders du parti de gauche, était frappé par un néo-nazi et il a eu 250 marques d'amende. Alors justement, il m'a dit, mais Madame Klarsfeld, vous avez utilisé la violence contre Kissinger. Une femme qui gifle un homme, c'est pas la violence. Il me dit, non, monsieur le juge, la violence, c'est quand on oppose à la jeunesse allemande un nazi comme chancelier. Voilà, ça, c'était la violence. Et cette rhétorique que vous avez utilisée tout au long et qui est très bien présente dans vos mémoires, parce qu'en fait, vous reconstituez à partir d'un journal, de journaux, de choses, de documents que vous avez conservés, vous reconstituez le discours de l'époque. Cette rhétorique que vous aviez, qui était une rhétorique qui s'appuyait à la fois sur une dimension morale, qui était la dimension que vous vouliez voir appliquer, Beate Klarsfeld, mais aussi sur la capacité de mobiliser l'opinion. C'était une façon aussi de message à double détente vis-à-vis du pouvoir allemand de l'époque et vis-à-vis de l'opinion, en disant « je vais pouvoir jouer sur cela ». Comment l'avez-vous apprise d'une certaine façon, cette façon de faire ? Alors, il faut mobiliser, je vous dis, quand après la gifle, donc on avait, comme disait Serge, moi aussi dans mes articles en combat, j'ai déjà dit, nous voudrons comme chancelier un homme comme Willy Brandt, qui était résistant. Donc, pour les élections de 69, il fallait que je trouve maintenant beaucoup, beaucoup de jeunes derrière moi pour mener campagne en Allemagne. Donc, c'était réunir les jeunes. Alors, c'était constamment des réunions. Mais le rassemblement, c'était aussi, je vous dis, les manifestations à l'époque contre Kissinger, parce que j'étais candidate contre lui dans la même circonscription. Il y avait chaque fois les jeunes, j'ai pu mobiliser, c'était Kissinger nazi, il ne pouvait plus faire un discours, il était interrompu. C'est ça, vous voyez, c'est-à-dire avoir des jeunes derrière vous, mais ils étaient quand même, je dis, avant la gifle, les jeunes que j'ai vus comme, même Rudi Dutschke à Berlin, ils trouvaient que ce n'était pas tellement nécessaire de se concentrer sur Kissinger, parce qu'il y avait d'autres nazis partout. Alors c'est la gifle, c'est un acte qui a mobilisé, vous voyez. Et là, après, je dis, on était nombreux, et en 69, Willy Brandt, ce que nous avons voulu, est devenu chancelier. Alors, Serge Klarsfeld, qui est très présent aussi dans ce livre de mémoire que vous avez écrit avec Beate Klarsfeld, c'est une sorte de dimension grisée, pourrait-on dire, de cette histoire, puisque certains des personnages que vous croisez et dont vous pouvez penser qu'ils vont vous soutenir de façon, disons, très, très nette, prenons le cas de Günter Grass, par exemple. Beate Klarsfeld nous raconte comment il a été, pour le moins, en délicatesse avec les actions qu'elle menait en Allemagne. Mais vous, vous travaillez à une époque dans une société de courtage en grains, dirigée par un juif français, d'origine française, je crois, que vous tentez de convaincre d'arrêter de travailler avec les courtiers en grains allemands, qui sont justement les criminels nazis que vous poursuivez. Et vous dites, je lui ai écrit, mais ça n'a pas fait véritablement d'effet. C'est-à-dire que vous n'avez pas toujours les appuis que vous escomptez. Ah bah oui, ça c'est un... Moi, je pense que dans beaucoup de domaines, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand on vient troubler les relations d'affaires ou les relations d'amitié, etc., on se heurte à un mur. On se heurte à un mur aussi parce que, les gens veulent pas vous suivre parce que ça veut dire qu'ils doivent s'engager eux aussi, et ils n'ont pas envie de s'engager parce que ils se sont pas engagés auparavant, et que même la révélation d'une nouvelle situation les laisse disons assez hostiles à votre engagement, à vous. Ils ont tendance à vous regarder comme obsessionnel et à considérer que, à l'époque, considérer que l'Allemagne c'est pas la France, et donc ce qui se passe en Allemagne n'a pas les intéressés, même chez les hommes politiques de l'époque. Hein. Même d'ailleurs Willy Brandt, lorsque vous avez Willy Brandt, on est allé en prison sous Willy Brandt, oui, sous Helmut Schmidt, tout en les soutenant. Oui, et avec un Willy Brandt qui est gêné aux entournures quand vous commencez à vouloir attaquer quelqu'un. Mais par exemple, Willy Brandt était allié au Parti libéral. Voilà. Le Parti libéral avait une aile droite. Dans l'aile droite, Ernst Achenbach, qui avait été chef de la section politique de l'ambassade allemande à Paris pendant l'occupation, et l'éminence grise de Abetz, le numéro 2 de l'ambassade, Ernst Achenbach voulait une consécration. Donc il voulait aller à la Commission européenne. À la Commission européenne. Il a été nommé à la Commission européenne. Nous avons fait campagne. Beate est allée dans toutes les capitales de la communauté économique européenne à l'époque. Et finalement, Willy Brandt a annulé cette nomination et a nommé quelqu'un d'autre. Mais était bien gêné par cela quand même. Oui, il a même blanchi encore avant. Hein, oui. Oui, parce que il était gêné, mais par exemple, il a voulu prendre aussi Beate aux États-Unis et pour un voyage de Willy Brandt aux États-Unis, s'y est opposé. Voilà, son entourage s'y est opposé. Et curieusement, le billet d'avion que vous aviez pour partir avec Willy Brandt aux États-Unis a été annulé au dernier moment. Et on a prétexté que peut-être c'était les Américains qui ne voulaient pas de vous sur le sol américain. Pourtant, vous en avez fait des kilomètres, Beate Klarsfeld, quand on regarde ce que vous avez fait. En Amérique du sud, j'ai protesté contre les justes en Argentine, contre la junte, au Paraguay, en Uruguay, contre la junte, et puis au Mengele, au Paraguay. J'ai essayé justement de trouver la trace de Mengele parce qu'il avait vécu au Paraguay. Même au Chili, j'ai manifesté pour Walter Rauf, qui était celui qui a inventé les chambres à gaz. Vous êtes allé à Damas tout de même, dans une période où ça n'était pas très simple. Aussi, et c'est mon soutien pour le peuple juif là est en danger, et aussi le soutien pour l'État d'Israël. J'ai protesté au sommet des pays arabes en disant, toujours en tant qu'Allemand, je voudrais dire qu'il faut faire ceci, cela. Mais c'était, bien entendu, dans les pays arabes, quand même, des actions très, très risquées, bien entendu. Oui, risquées, et même, effectivement, on vous faisait comprendre que tout de même, quand vous allez en Égypte, quand vous allez à Damas, effectivement, vous soutenez en voulant poursuivre les criminels nazis, vous soutenez l'État d'Israël, et l'État d'Israël est meurtrier, l'État d'Israël, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, on vous met quasiment en accusation. Vous ne risquez pas la prison, mais vous auriez pu, là aussi, aller en prison à ce moment-là. Oui, bien sûr, mais enfin, j'étais quand même réconfortée par Israël, parce que je dis, quand j'ai vu Menachem Begin en Israël, il m'a dit, Madame Klarsfeld, vous êtes la première Allemande à qui je serre la main. Donc, pour moi, c'était quand même un mouvement extraordinaire, un moment. Et puis aussi, je crois que je suis la seule Allemande qui a été proposée deux fois de suite par la Knesset pour le prix Nobel de la paix. Donc, vous voyez, j'étais très contente d'avoir que ces actions aient été reconnues. Ce qui est aussi très passionnant en lisant vos mémoires, Serge Klarsfeld, avec Beate Klarsfeld, c'est le recours que vous faites à la question historique. Parce que souvent, les mémoires sont créées à partir des souvenirs, quelques notes que l'on a gardées, et puis on reconstruit son itinéraire. Ce qui est tout à fait frappant dans ces mémoires, c'est la documentation. Parce que on peut pas parler de vous, d'eux, sans la documentation que vous avez rassemblée. D'ailleurs, cette documentation occupait tellement de place dans l'appartement du square de l'Albony, juste à côté de la maison de la radio, ou encore ensuite, quand vous avez été obligé de déménager dans un petit deux pièces avec votre mère, il y avait tellement de place prise par la documentation que c'était difficile d'y vivre dans cet appartement. Cette documentation, c'est un vrai travail de fourmi d'historien que vous avez mené, et dans ces mémoires, cela ressort, Serge Klarsfeld. Cette volonté du détail, cette volonté de la date, de l'heure, cette précision qui est nécessaire pour pouvoir appuyer vos dires. Ce n'est qu'un reflet de mon activité historique, parce que je n'ai pas les documents, je ne les ai pas trouvés comme fourmis, je les ai trouvés comme lions plutôt que comme fourmis, parce qu'il a fallu ouvrir les archives. Et les archives, nous les avons ouvertes parce que nous faisions le travail de la France. Les criminels nazis qui avaient persécuté les résistants ou les juifs, c'était le travail de la France, et c'était nous qui l'avions fait. Donc j'ai eu des feux verts de la présidence de la République, etc. Et j'ai pu lire le premier, comme historien, les documents qui étaient enfermés à double tour. Ces documents, ils étaient dans des coffres forts quasiment. Et j'ai pu les sortir de là et écrire l'histoire de la solution finale en France, Vichy-Auschwitz, qui est l'histoire. Lorsqu'on va au mémorial de la Shoah, eh bien, dans la salle de lecture, les usuels, ce sont mes œuvres, c'est-à-dire le mémorial de la déportation, Vichy-Auschwitz, le calendrier de la persécution des Juifs de France, les enfants d'Isieux, etc. C'est un travail là de d'historien, et d'ailleurs je suis docteur ès-lettres, diplômé de l'habilitation à diriger les recherches en histoire, et mon histoire, elle est extrêmement, comment dire, précise et rigoureuse, parce que justement, je ne vois pas autrement l'histoire être écrite. Et les faits, je les ai trouvés, c'est-à-dire que j'ai pu écrire parce que j'avais la documentation qui me permettait de le faire, alors que les historiens qui me précédaient n'avaient pas cette documentation. Oui, et d'ailleurs, cette documentation et ces écrits n'ont pas toujours satisfait tout le monde, puisque vous expliquez comment, par exemple, pour le mémorial, eh bien, vous avez du mal à trouver des gens qui vont financer la publication de ce mémorial. Oui, pour le publier. C'était en 1978. Et parce que vous dites, tout compte fait, il y a 80 000 personnes. On a eu du mal parce que jusque-là, le ministère des anciens combattants victimes de guerre, avait donné un chiffre qui était 100 à 120 000 déportés ratio, et que les travaux historiques que j'ai menés montraient que il y en avait 76 000. Bon, pourquoi il faut se réjouir qu'il n'y en ait pas eu plus. Donc, moi, je peux pas me faire l'allié objectif des nazis en espérant qu'il y a plus de déportés qu'il n'y en a. Donc, j'ai dit, il y a 76 000 déportés, mais je les ai montrait un à un dans le premier mémorial de la déportation, qui est convoi, par ordre alphabétique, et on est arrivé à un total de 76 000 déportés, 3 000 morts dans les camps avant d'être déportés, un millier de juifs assassinés parce qu'ils étaient juifs. Même chose pour le Mont Valérien, par exemple. Vous oui, dites, Tantôt il y a des préjugés, tantôt il y a des faits qui sont établis par suite, par exemple de l'alliance, je dirais gaulo-communiste, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur une dalle au Mont Valérien dit 4500 fusillés au Mont Valérien. Mais nous avions compté le nombre de victimes juives. Il y en avait 179 victimes juives fusillées. 179 juifs fusillés sur 4500, c'est pas la même chose que sur 1007, qui est le véritable chiffre. Donc on a établi le véritable chiffre. On a établi également la politique de répression que menaient les Allemands. On a montré comment les Allemands ont cessé en octobre 1942 les exécutions massives parce qu'ils considéraient qu'elles ne rapportaient rien et que par contre il fallait déporter les gens vers des camps de concentration où on les tuait à petit feu, etc. Et donc à ce moment-là, le chiffre de 1007 s'est imposé, mais au terme de 20 années de campagne. Ce qui est très étonnant quand on vous lit, c'est de voir le processus. Vous commencez par attaquer le chancelier de l'époque à la fin des années 60. Vous espérez qu'il ne sera plus chancelier, ce qui est le cas ensuite, à partir de 1969. Vous grattez encore un peu plus, vous trouvez de nouveaux criminels, vous allez les conduire progressivement à être condamné dans le procès de Cologne en 1980, Beate Klarsfeld. Et puis, il y a en même temps la question de Vichy qui se mélange à cette question-là. C'est-à-dire que vous faites l'un et l'autre à la fois, ou successivement. Parce que ces années sont des années extrêmement actives. Les années 70, quand on vous lit, vous êtes toujours dans un avion pour pouvoir aller convaincre tel ou tel. Vous, Serge, vous êtes toujours aussi dans un avion pour aller dans un fonds d'archives à New York, à Paris ou ailleurs. Enfin, vous allez chercher un peu partout des archives pour pouvoir conforter votre travail d'historien. Comment cette question d'impliquer Vichy s'est-elle incrusté dans ce premier combat qui était le combat contre les criminels nazis et leur impunité? En constituant les dossiers des criminels, nous nous sommes rendus compte de la complicité de Vichy. C'était au milieu des années 75, mais la volonté criminelle de tuer les Juifs massivement, elle n'était pas chez Vichy, elle était chez les Allemands. Donc il fallait faire juger les Allemands, c'était eux en priorité, mais nous nous réservions déjà la possibilité de changer la mémoire de Vichy, parce qu'autour de nous s'étaient groupés les fils et filles des déportés juifs de France. C'était un groupe de gens de ma génération, et eux avaient eu essentiellement peur de la police française. Presque tous les Juifs ont été arrêtés par la police française. Moi, j'ai eu la chance, comme Simone Veil, d'être à Nice. Et à Nice, en septembre 43, ce sont les Allemands qui sont entrés. Et nous avons eu affaire seulement aux Allemands. Mais les autres, ont eu une blessure à la France qui était toujours très très vive et ils avaient eu peur de la police française. Donc ils se sont groupés autour de moi et nous avons fait le vœu, une fois que le procès de Cologne on l'obtiendrait et que les criminels allemands iraient en prison, eh bien on changerait la mémoire de Vichy, puisque dans les manuels scolaires du secondaire, il n'y avait rien sur le rôle joué par Vichy, rien sur le fait que la rafle du Veldiv avait été opérée exclusivement par la police française, rien sur le fait que 10 000 juifs avaient été extradés de la zone libre vers la zone occupée directement vers Auschwitz. Et donc il n'y avait rien sur le sort des milliers d'enfants, il y avait plus de 11 000 enfants déportés. Il n'y avait rien de tout cela dans les manuels scolaires. On a dit, on va changer tout cela. Même les historiens... Et on s'est appuyé sur les grandes affaires judiciaires. On a déclenché les affaires Leguet, Bousquet, Papon, Touvier. On les a menées à bien. On a eu deux grands, très grands procès qui étaient le procès Papon d'abord et le procès Touvier, et puis on a eu deux grandes affaires dont les péripéties judiciaires ont toujours ému beaucoup les Français, qui étaient les affaires Bousquet et Leguet, le chef de la police de Vichy. Donc on a changé en 20 ans comme ça, on a changé, ou 15 ans, on a changé la mémoire de Vichy en France. Et vous avez changé aussi la mémoire de la Shoah, puisque vous avez été avec cette association que vous avez créée, des fils et filles de déportés, à l'initiative, par exemple, des premiers voyages à Auschwitz. C'était en 1981, Serge Klarsfeld. Tout à fait, c'est le premier voyage organisé en un seul jour à Auschwitz. Les autres ont suivi. Nous sommes là pour donner l'exemple. Donc on a été à l'initiative des mémoriaux, et on travaille en main dans la main avec le mémorial de la Shoah, dont je suis administrateur, mais je suis administrateur de beaucoup de lieux de mémoire, on peut dire le camp des Milles, le camp d'Auschwitz, beaucoup. Donc, à une époque, lorsque vous poursuiviez Klaus Barbie, vous retrouvez à la passe un diplomate français, vous dit, Beate Klarsfeld, ce que vous faites ne sert à rien. Quand vous êtes dans cette poursuite-là, et vous notez cette phrase-là, ce que vous faites ne sert à rien, on n'a pas du tout l'impression que ce que vous avez fait n'a servi à rien, au contraire. Mais il y avait des gens à l'époque qui vous disaient, c'est un travail donquichotesque que vous menez, c'est-à-dire vous vous battez contre des moulins, vous n'y arriverez jamais. Oui, mais ça sont des réactions qu'on sent pas toutes les actions qu'on a menées. Mais enfin, il faut pas faire attention, il faut pas les écouter. Souvent, ce sont des gens qui se plient après, parce que quand Ladislas de Hoyos est venu à La Paz pour interviewer Barbie en prison, pour TF1, ouais. C'était pas l'intermédiaire de l'ambassade de France, vous voyez. Mais il y avait quand même, quand j'étais avec la deuxième fois avec Madame Hallenbrunner, qui avait perdu les enfants à la maison d'Isieux, et une femme courageuse qui est venue avec moi à La Paz. On s'est enchaîné sur un banc en face du bureau de Klaus Barbie, disant citoyenne bolivienne, soutenez-nous, en demandant d'envoyer Klaus Barbie en France pour le condamner. Eh bien, les policiers nous ont arraché les pancartes. Et c'est l'ambassade israélienne qui nous a remplacé ces pancartes en espagnol. Oui, parce donc, que... Donc oui, l'autre ambassade qui nous a soutenus. Oui, parce que c'est toujours aussi... presque une œuvre qui permettrait de réfléchir à la question de la tactique révolutionnaire ou pas révolutionnaire, Serge Klarsfeld, quand on vous lit. C'est toujours trouver des solutions de rechange. C'est-à-dire qu'à un endroit, on vous met à la porte, vous trouvez le moyen de rentrer par la fenêtre, en l'occurrence. Oui, mais ça, c'est une question effectivement, d'entêtement et d'obstination. Et le ressort est toujours tendu pour pouvoir... réagir et pour pouvoir agir surtout. Nous n'avons jamais de découragement, je dois dire, dans l'action. Et nous savons que la plupart des actions que nous menons, elles sont soutenues par par la base. Notre base, c'est les fils et filles des déportés juifs de France. Un petit doute tout de suite, même. Vous aviez des doutes en 73, vous dites vous-même dans vos mémoires, Serge Klarsfeld, dans un passage que vous signez, que le retard à la signature de la convention judiciaire franco-allemande, ça vous pèse. Non, c'était pas le retard à la signature, c'était le retard à la ratification. À ratification, pardon, c'est ça. À la ratification par le Parlement allemand. Eh ben oui, mais alors là, je suis allé démontrer à la société politique allemande que si elle ne fait pas ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire un acte difficile, mais qui est juste, eh bien, il y aura une tragédie, c'est-à-dire, il y aura du sang versé, il y aura des criminels qui mourront, et que la responsabilité tombera sur les hommes politiques qui n'ont pas ratifié cette convention, beaucoup plus que sur nous. Le thème de cette semaine de la Fabrique de l'Histoire, c'est sortir de la Seconde Guerre mondiale. Il faut combien de temps? Il a fallu combien de temps? Est-ce qu'on est même sorti encore de la Seconde Guerre mondiale, selon vous, Bette? Alors, justement, le 8 mai, pour vous dire, je suis invitée par le parti des Links qui m'a, en 2012, proposé comme candidate pour la présidence de la République fédérale allemande. Eh bien, je suis invitée pour participer à la cérémonie au Parlement allemand. Ouais. Voilà. Et il faut du temps. On est encore sorti de la Seconde Guerre mondiale? Non, nous, c'est un peu particulier. Les enfants des déportés, les orphelins des déportés, vivent toujours dans les années en 1942, en partie. On passe sans arrêt de 42 à l'année où on se trouve. Mais on a le sentiment qu'en Europe, on est sorti de la Seconde Guerre mondiale au point de vue, je veux dire, du nationalisme, mais on se retrouve dans une situation, on n'a pas évoqué le côté politique, on se retrouve dans une situation où on a un parti d'extrême droite qui électoralement est puissant, et puis on a le terrorisme musulman, où on voit des enfants juifs de nouveau tués, et même pour la première fois, tués en France. Mm-hmm. Donc l'inquiétude est grande, et nous combattons à la fois Le Pen et le terrorisme islamiste. Merci Beate Klarsfeld et merci Serge Klarsfeld de rester avec nous. On va présenter l'émission de demain de notre série avec vous, Catherine de Coppet. Bonjour. Bonjour. Vous avez réalisé avec Anne Fleury le documentaire que nous écouterons demain, qui traite d'un aspect absolument méconnu de cette fin de Seconde Guerre mondiale. Il s'intitule « Les camps soviétiques en France, les captifs de la libération ». Ça raconte quoi exactement? Oui, puisque l'idée, c'était de se pencher sur ceux pour lesquels la libération n'a pas toujours été synonyme de liberté, en tout cas pas tout de suite et pas pour longtemps. Et l'histoire des camps russes ou des camps soviétiques en France en est un exemple frappant. Donc on l'a évoqué, la sortie de la Seconde Guerre mondiale en France, c'est vraiment une période très confuse dont les historiens n'ont pas fini d'explorer la matière. Et face à cette urgence de reconstruction morale, politique et matérielle, certaines histoires sont passées un petit peu à la trappe. Et donc c'est cette histoire que raconte le documentaire de demain, des camps soviétiques en France ouverts à partir de 1944 pour regrouper la population soviétique dispersée sur le territoire français. Et alors, pour en faire quoi de cette population? Pour la rapatrier en Russie. Alors voilà, avant de vous en dire plus, je vous propose d'écouter un extrait du documentaire. Et pour commencer, vous allez entendre Lucie Novitska, une femme de 90 ans qui est née en URSS et dont le parcours à travers l'Europe, en pleine Seconde Guerre mondiale, est assez représentatif des mouvements de population provoqués par le conflit. Vous avez été emmenée par les Allemands? Oui. Très jeune? Au début de la guerre. Parce que à Russie, les gens entre eux, ils ont coutume fêter des fêtes. À ce moment-là, c'était fête de printemps. On a décoré les maisons, vous savez, coupé les branches des bouleaux. Oh, c'était joli, hein. C'est ce jour-là que les Allemands sont venus vous chercher? On nous a réveillés à 4 heures du matin. Et après, on nous a conduits jusqu'à la gare et on nous a transférés en Allemagne. Hein. Dans les wagons des bestioles, hein. Mais il avait la paille quand même. On est arrivé en Allemagne, c'était Magdebourg, c'était aux côtés de Berlin. Et c'est là que c'est commencé les... Oh, les camps. Oui, les camps. Les petits camps. Hein. Des camps de ces villes. Hein. Donc vous vous êtes retrouvés en Allemagne Ben, c'était à Magdebourg. Hein. Mm. Ben, quand on est sorti de Magdebourg, il y en avait déjà des gens qui attendaient des jeunes comme ça pour prendre chez eux pour travailler. Mm. Hein. Ils venaient des paysans chercher des ouvriers, quoi. Et je faisais ça, les filles comme ça, et puis, ça, allez, viens. Nous n'allons pas encore quitter le camp, où nous avons approché les frères de ceux qui combattent là-bas, dans les plaines de Prusse orientale et du Danube, qui combattent l'ennemi commun. Pénétrons dans un baraquement, où quelques chanteurs se sont réunis pour chanter les mélodies de leur pays natal. Une faible lumière éclaire les visages détendus de ceux qui rêvent, tandis qu'une très jeune femme, un châle couvrant ses cheveux blonds, se met au piano. Alors l'itinéraire de cette femme dont on raconte qu'elle arrive du côté de Berlin va continuer jusqu'en France. Jusqu'en France. Alors Lucie Novitska, elle ne se retrouvera pas dans un camp soviétique, mais elle aurait pu, malheureusement ou heureusement pour elle, elle a rencontré un Polonais et elle s'est dite polonaise, ce qui lui a permis sans doute, en tout cas, d'échapper à ce regroupement forcé, puisque l'histoire de ces camps, donc là on entend une archive du camp de Beauregard, qui était le camp principal qui se situait dans les Yvelines. L'histoire de ces camps, c'était donc de rapatrier les personnes au détriment peut-être de leur volonté, et c'est ça qu'on va essayer de vous raconter demain. Une dans histoire, le documentaire. Voilà, une histoire un petit peu de jeu diplomatique, finalement, entre la France et l'Union soviétique, au détriment, encore une fois, de la volonté des individus. Il faut rappeler que donc 150 à 200 000 personnes sont passées par ces camps, il y en avait près de 130 en France, et c'est une histoire très partielle, très peu explorée par les historiens, et dont les archives nous ont pas encore tout raconté. Et on écoutera donc avec beaucoup d'intérêt votre documentaire, donc qui poursuivra notre semaine consacrée donc à cette sortie de la Seconde Guerre mondiale, qui, comme vous le disiez, pour en tout cas ces Soviétiques ou ces Russes vivant en France, n'étaient pas toujours à un moment de libération. C'est ce qu'on racontera demain. Mercredi, nous parlerons des poches de l'Atlantique. Jeudi, nous évoquerons le retour à la vie normale des résistants qui avaient vécu dans les maquis. Et vendredi, nous traiterons de la question des promesses de l'après-guerre en France, en particulier pour ce qui concernait l'état social qui devait naître justement de cette Seconde Guerre mondiale. Merci encore Serge Klarsfeld et merci à vous Béaté Klarsfeld d'avoir été ici pour parler de votre extraordinaire livre de mémoire que je conseille à tous ceux qui s'intéressent à cette période de la Seconde Guerre mondiale et après, évidemment, de tout ce qui s'est passé, de cette mémoire et de ce tissage très subtil qu'il y a entre mémoire et histoire, tel que vous l'avez construit dans votre livre publié chez Fayard et chez Flammarion. Merci à tous les deux. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marsay. Jean-Guy Limège nous a accompagnés à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Si vous voulez écouter cette émission, mais également toutes les émissions diffusées la semaine dernière et enregistrées lors du forum France Culture, l'année vue par l'histoire, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site internet www.franceculture.fr. Vous pouvez les écouter pendant 3 ans, les télécharger dans l'année qui suit leur diffusion et également, bien entendu, laisser vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire.